Ô lecteur, si tu n'es homme à te contenter de la naïveté du style et de la subtilité de l'intrigue, je ne t'invite point à la lecture de cette pièce. Son ornement n'est pas dans l'éclat des vers. C'est une belle chose que de les faire puissants et majestueux. Cette pompe ravit d'ordinaire les esprits et pour le moins les éblouit. Mais il faut que les sujets en fassent naître les occasions. Autrement, c'est en faire parade mal à propos. Et pour gagner le nom de poète, perdre celui de judicieux. La comédie n'est qu'un portrait de nos actions et de nos discours, et la perfection des portraits consiste en la ressemblance. Sur cette maxime, je tâche de ne mettre en la bouche de mes acteurs que ce que diraient vraisemblablement en leur place ceux qu'ils représentent, et de les faire discourir en honnêtes gens et non pas en auteurs. Ce n'est pas aux ouvrages que le poète parle qu'il faut parler en poète. Plaute n'a pas écrit comme Virgile et ne laisse pas d'avoir bien écrit. Ici donc, tu ne trouveras en beaucoup d'endroits qu'une prose rimée, peu de scènes toutefois sans quelque raisonnement assez véritable, et partout une conduite assez industrieuse. Tu y reconnaîtras trois sortes d'amour, aussi extraordinaires au théâtre qu'ordinaires dans le monde. Celle de Philiste et Clarisse, d'Alcidon et Doris, et celle de la même Doris avec Florange qui ne paraît point. Pour l'ordre de la pièce, je ne l'ai mis ni dans la sévérité des règles, ni dans la liberté qui n'est que trop ordinaire sur le théâtre français. L'une est trop rarement capable de beaux effets, et on les trouve à trop bon marché dans l'autre, qui prend quelquefois tout un siècle pour la durée de son action et toute la terre habitable pour le lieu de sa scène. J'ai donc cherché quelques milieux pour la règle du temps, et me suis persuadé que la comédie étant disposée en 5 actes, 5 jours consécutifs n'y seraient point mal employés. Pour l'unité de lieu et d'action, ce sont 2 règles que j'observe inviolablement, mais j'interprète la dernière à ma mode, et la première tantôt je la resserre à la grandeur du théâtre, et tantôt je l'étends jusqu'à toute une ville, comme dans cette pièce. Quelques jours, je m'expliquerai davantage sur ces matières. Mais il faut attendre l'occasion d'un plus grand volume. Cette préface n'est déjà que trop longue pour une comédie. Pierre Corneille. La veuve ou le traître trahi de Pierre Corneille. J'en demeure d'accord. Chacun a sa méthode. Mais la tienne, pour moi, serait trop incommode. Mon cœur ne pourrait pas conserver tant de feu s'il fallait que ma bouche en témoigne si peu. Depuis près de 2 ans, tu brûles pour Clarisse. Et plus ton amour croît, moins elle en a d'indices. Il semble qu'à languir, tes désirs sont contents et que tu n'as pour but que de perdre ton temps. Quel fruit espères-tu de ta persévérance à la traiter toujours avec indifférence? Auprès d'elle, assidue, sans lui parler d'amour, veux-tu qu'elle commence à te faire la cour? Non, mais à dire vrai, je veux qu'elle devine. Ton espoir qui te flatte en vain se l'imagine. Clarisse, avec raison, prend pour stupidité ce ridicule effet de ta timidité. Peut-être, mais enfin, vois-tu qu'elle me fuit. Qu'indifférent qu'il est, mon entretien l'ennuie. Que je lui sois à charge, et lorsque je la vois, qu'elle use d'artifice à s'échapper de moi. Sans te mettre en souci du feu qui me consomme, apprends comme l'amour se traite en honnête homme. Aussitôt qu'une dame a charmé nos esprits, offrir notre service au hasard d'un mépris, et nous abandonnant à nos brusques saillies au lieu de notre ardeur, lui montrer nos folies, qu'un superbe dédain punisse en un instant, il n'est si maladroit qu'il n'en fit bien autant. Il faut s'en faire aimer avant qu'on s'en déclare. Notre soumission à l'orgueil la prépare. Lui dire incontinent son pouvoir souverain, c'est mettre à sa rigueur les armes à la main. Usons pour être aimé d'un meilleur artifice, et sans lui rien offrir, rendons-lui du service. Réglons sur son humeur toutes nos actions, réglons tous nos desseins sur ses intentions, tant que par la douceur d'une longue hantise, comme insensiblement elle se trouve prise. C'est par là que l'on sème aux dames des appâts qu'elles n'évitent point, ne les prévoyant pas. Leur haine envers l'amour pourrait être un prodige que le seul nom les choque et l'effet les oblige. Mmh. Suive qui le voudra ce procédé nouveau, mon feu me déplairait caché sous ce rideau. Ne parlez point d'amour. Pour moi, je me défie des fantasques raisons de ta philosophie, ce n'est pas là mon jeu. Le joli passe-temps, d'être auprès d'une dame et causer du beau temps, lui jurer que Paris est toujours plein de fange, qu'un certain parfumeur vend de fort bonnes eaux d'ange, qu'un cavalier regarde un autre de travers, que dans la comédie on dit d'assez bons vers qu'Aglante avec Phyllis dans un mois se marie. Change, pauvre abusé, change de batterie, compte ce qui te mène. Et ne t'amuse pas à perdre innocemment tes discours et tes pas. Je les aurais perdus auprès de ma maîtresse si je n'eusse employé que la commune adresse. Puisqu'inégal de biens et de conditions, je ne pouvais prétendre à son affection. Mais si tu ne les perds, je le tiens à miracle, puisqu'ainsi ton amour rencontre un double obstacle, et que ton froid silence et l'inégalité s'opposent tout ensemble à ta témérité. Crois que, de la façon dont j'ai su me conduire, mon silence n'est pas en état de me nuire. Mille petits devoirs ont tant parlé pour moi qu'il ne m'est plus permis de douter de sa foi. Mes soupirs et les siens font un secret langage, par où son cœur au mien à tout moment s'engage. Des coups d'œil languissants, des sourires ajustés, des penchements de tête à demi concertés, et mille autres douceurs aux seules âmes connues nous font voir chaque jour nos âmes toutes nues. Nous sommes de bons garants d'un feu qui chaque jour... Tout cela, cependant... Sans lui parler d'amour. Et sans lui parler d'amour. J'estime ta science, mais j'aurais à l'épreuve un peu d'impatience. Le ciel, qui nous choisit lui-même des parties, a tes feux et les miens prudemment assortis. Et comme à ses longueurs t'ayant fait indocile, il te donne en ma sœur un naturel facile. Ainsi, pour cette veuve, il a su m'enflammer, après m'avoir donné par où m'en faire aimer. Mais il lui faut enfin découvrir ton courage. C'est ce qu'en ma faveur, sa nourrice ménage. Cette vieille subtile a mille inventions pour m'avancer au but de mes intentions. Elle m'avertira du temps que je dois prendre. Le reste, une autre fois, se pourra mieux apprendre. Adieu. La confidence avec un bon ami, jamais sans l'offenser, ne s'exerce à demi. Ma maîtresse m'attend pour faire des visites, où je lui promis hier de lui prêter la main. Adieu donc, cher Philiste. Adieu jusqu'à demain. Ah, vit-on jamais amant de pareille imprudence faire avec son rival entière confidence? Simple, apprends que ta sœur n'aura jamais de quoi asservir sous ses lois des gens faits comme moi, qu'Alcidon feint pour elle et brûle pour Clarisse. Ton agente est à moi, n'est-il pas vrai, nourrice? Tu le peux bien jurer. Et notre ami rival? Si jamais on m'en croit, son affaire ira mal. Tu lui promets pourtant. C'est par où je l'amuse, jusqu'à ce que les faits lui découvrent ma ruse. Je viens de le quitter. Eh bien, que t'a-t-il dit? Que tu veux employer pour lui tout ton crédit et que, rendant toujours quelques petits services, il s'est fait une entrée en l'âme de Clarisse. Oh, moindre qu'il ne présume. Et toi? Je l'ai poussé à s'enhardir un peu plus que par le passé et découvrir son mal à celle qui le cause. Pourquoi? Pour deux raisons. L'une, qu'il me propose ce qu'il a dans le cœur beaucoup plus librement. L'autre, que ta maîtresse, après ce compliment, le chassera peut-être ainsi qu'un téméraire. Ne l'enhardis pas tant. J'aurais peur, au contraire, que malgré tes raisons, quelque mal ne t'en prie. Car enfin, ce rival est bien dans son esprit. Mais non, pas tellement qu'avant que le mois passe, notre adresse sous main ne le mette en disgrâce. Et lors? Je te réponds de ce que tu chéris. Cependant, continue à caresser Doris. Que son frère, ébloui par cette accorte feinte, de nos prétentions n'ait ni soupçon ni crainte. À m'en ouïr conter, l'amour de Céladon n'eut jamais rien d'égal à celui d'Alcidon. Tu rirais trop de voir comme je la cajole. Et la dupe qu'elle est, crois-tu sur ta parole? Cette jeune étourdie est si folle de moi qu'elle prend chaque mot pour article de foi. Et son frère, pipé du phare de mon langage, qui croit que je soupire après son mariage, pensant bien m'obliger, m'en parle tous les jours. Mais quand il en vient là, je sais bien mes détours. Tantôt, vu l'amitié qui tous deux nous assemble, j'attendrai son hymen pour être heureux ensemble. Tantôt, il faut du temps pour le consentement d'un oncle dont j'espère un haut avancement. Tantôt, je sais trouver quelque autre bagatelle. Séparons-nous, de peur qu'il entrât dans cervelle s'il avait découvert un si long entretien. Joue aussi bien ton jeu que je jouerai le mien. Nourrice, ce n'est pas ainsi qu'on se sépare. Monsieur, vous me jugez d'un naturel avare. Tu veilleras pour moi d'un soin plus diligent. Ce sera donc pour vous, plus que pour votre argent. C'est trop désavouer une si belle flamme qui n'a rien de honteux. Rien de sujet au blâme, confesse-le, ma fille Alcidon, à ton cœur. Ces rares qualités l'en ont rendu vainqueur. Ne vous entrappelez que mon âme et ma vie, c'est montrer que tous deux vous n'avez qu'une envie et que d'un même trait vos esprits sont blessés. Madame, il n'en va pas ainsi que vous pensez. Mon frère aime Alcidon et sa prière expresse m'oblige à lui répondre en termes de maîtresse. Je me fais comme lui. Souvent toutes de feu. Mais mon cœur se conserve au point où je le veux. Toujours libre. Et qui garde une amitié sincère à celui que voudra me prescrire une mère. Oui, pourvu qu'Alcidon te soit ainsi prescrit. Madame, puissiez-vous lire dans mon esprit? Vous verriez jusqu'où va ma pure obéissance. Ne crains pas que je veuille user de ma puissance. Je croirais en produire un trop cruel effet si je te séparais d'un amant si parfait. Vous le connaissez mal. Son âme a deux visages, et se dissimuler n'est qu'un conteur à gages. Il a beau m'accabler de protestations, je démêle aisément toutes ses fictions. Il ne me prête rien que je ne lui remets. Nous nous entrepayons d'une même monnaie, et malgré nos discours, mon vertueux désir attend toujours celui que vous voudrez choisir. Votre vouloir du mien absolument dispose. L'épreuve en fera foi. Mais parlons d'autre chose. Nous vîmes hier au bal, entre autres nouveautés, tout plein d'honnêtes gens caresser les beautés. Oui, madame. Alain d'Or en voulait à Célie, Lisandre à Célidée, Oront à Rosélie. Et nommant celle-ci, tu caches finement qu'un certain t'entretint assez paisiblement. Ce visage inconnu qu'on appelait Florange ? Lui-même. Oh Dieu, que c'est un cajoleur étrange ! Ce fut paisiblement de vrai qu'il m'entretint. Soit que quelque raison en secret le retint, soit que son bel esprit me jugeât incapable de lui pouvoir fournir un entretien sortable, il m'épargna si bien que ses plus longs propos à peine en plus d'une heure étaient de 4 mots. Il me mena danser 2 fois sans me rien dire. Mais ensuite ? La suite est digne qu'on l'admire. Mon baladin muet se retranche en un coin pour faire mieux jouer la prunelle de loin. Après m'avoir de là longtemps considéré, après m'avoir des yeux 1000 fois mesuré, il m'aborde en tremblant avec ce compliment. « Vous m'attirez à vous ainsi que fait l'aimant. » Il pensait m'avoir dit le meilleur mot du monde. Entendant ce « haut style », aussitôt je seconde et réponds brusquement, sans beaucoup m'émouvoir. « Vous êtes don de fer à ce que je puis voir. » Ce grand mot étouffa tout ce qu'il voulait dire, et pour toute réplique, il se mit à sourire. Depuis, il s'avisa de me serrer les doigts, et retrouvant un peu l'usage de la voix, il prit un de mes gants. « La mode en est nouvelle !» me dit-il. « Et jamais je n'en vis de si belle !»« Vous portez sur la gorge un mouchoir fort carré. Votre éventail me plaît d'être ainsi bigarré. » L'amour, je vous assure, est une belle chose. Vraiment, vous aimez fort cette couleur de rose. Hein? La ville est en hiver tout autre que les champs. Les charges à présent n'ont que trop de marchands, on en peut approcher. Mais enfin, que t'en semble? Je n'ai jamais connu d'homme qui lui ressemble, ni qui mêle en discours tant de diversité. Il est nouveau venu des universités, mais après tout fort riche. et que la mort d'un père, sans deux successions que de plus il espère, comble de tant de biens qu'il n'ait fille aujourd'hui qui ne lui rionnait et n'ait dessein sur lui. Aussi me comptez-vous de beaux traits de visage. Eh bien, avec ces traits, est-il à ton usage? Je douterais plutôt si je serais au sien. Je sais qu'assurément il te veut force bien, mais il te le faudrait en fille plus accorte recevoir désormais un peu d'une autre sorte. Commandez seulement, madame, et mon devoir ne négligera rien qui soit en mon pouvoir. Ma fille, te voilà telle que je souhaite. Pour ne te rien celer, c'est chose qui vaut fête. Géron, qui depuis peu fait ici tant de tours, au-dessus d'un chacun a traité ses amours. Et puisqu'à mes désirs je te vois résolue, je veux qu'avant 2 jours, l'affaire soit conclue. Oh, regarde, Alcidon, tu dois continuer, de ton bon semblant ne rien diminuer. Il faut jouer au fin contre un esprit si double. Mon frère, en sa faveur, vous donnera du trouble. Il n'est pas si mauvais que l'on en vienne à bout. Madame, avisez-y. Je vous remets le tout. Rentre. Voici Géron, de qui la conférence doit rompre ou nous donner une entière assurance. Ils se sont vus, enfin! Je l'avais déjà su, madame, et les effets ne m'en ont point déçu, du moins quant à Florange. Eh bien, mais qu'est-ce encore? Que dit-il de ma fille? Ah, madame, il l'adore. Il n'a point encore vu de miracle pareil. Ses yeux, à son avis, sont autant de soleil. L'enflure de son sein, un double petit monde, c'est le seul ornement de la machine ronde. L'amour à ses regards allume son flambeau, et souvent pour la voir, il ôte son bandeau. Diane n'eut jamais une si belle taille, auprès d'elle Vénus ne serait rien qui vaille, ce ne sont rien que lys et roses que son teint. Enfin, de ses beautés, il est si fort atteint. Atteint ? Ah, mon ami, tant de badinerie ne témoigne que trop qu'il en fait raillerie. Madame, je vous jure, il pêche innocemment. Et s'il savait mieux dire, il dirait autrement. C'est un homme tout neuf, que voulez-vous qu'il fasse ? Il dit ce qu'il a lu. Daignez juger de grâce plus favorablement de son intention, et pour mieux vous montrer où va sa passion, vous savez les 2 points. Mais aussi, je vous prie, vous ne lui direz pas cette supercherie. Non, non. Vous savez donc les 2 difficultés qui, jusqu'à maintenant, vous tiennent arrêtées. Il veut son avantage, et nous cherchons le nôtre. Va, Géron, m'a-t-il dit, et pour l'une et pour l'autre, si par dextérité tu n'en peux rien tirer, accorde tout plutôt que de plus différer. Doris est à mes yeux de tant d'attrait pourvu qu'il faut bien qu'il m'en coûte un peu pour l'avoir vue. Mais qu'en dit votre fille? Elle suivra mon choix et montre une âme prête à recevoir mes lois. Non qu'elle en fasse état plus que de bonne sorte, il suffit qu'elle voie ce que le bien apporte et qu'elle s'accommode aux solides raisons qui forment à présent les meilleures maisons. À ce compte, c'est fait. Quand vous plaît-il qu'il vienne dégager ma parole et vous donner la sienne? 2 jours me suffiront, ménagés dextrement pour disposer mon fils à son contentement. Durant ce peu de temps, si son ardeur le presse, il peut hors du logis rencontrer sa maîtresse. Assez d'occasions s'offrent aux amoureux. Madame, que d'un mot, je vais le rendre heureux. Mmh. Bonheur aujourd'hui conduisait vos visites et semblait rendre hommage à vos rares mérites. Vous avez rencontré tout ce que vous cherchiez? Oui, mais n'estimez pas qu'ainsi vous m'empêchiez de vous dire, à présent que nous faisons retraite, combien de chez Daphnis je sors mal satisfaite. Madame, toutefois, elle a fait son pouvoir, du moins en apparence, à vous bien recevoir. Ne pensez pas aussi que je me plaigne d'elle. Sa compagnie était, ce me semble, assez belle. Que trop belle à mon goût et que je pense au tien. Deux filles possédaient seules ton entretien. Et leur orgueil, enflé par cette préférence, de ce qu'elle valait tirait pleine assurance. Ce reproche obligeant me laisse tout surpris. Avec tant de beauté et tant de bons esprits, je ne valus jamais qu'on me trouvât à dire. Avec ces bons esprits, je n'étais qu'en martyr. Leur discours m'assassine. Il n'a qu'un certain jeu qui m'étourdit beaucoup et qui me plaît fort peu. Celui que nous tenions me plaisait à merveille. Tes yeux s'y plaisaient bien, autant que tes oreilles. Je ne le puis nier. Puisqu'en parlant de vous, sur les vôtres, mes yeux se portaient à tout coup et s'en allaient chercher sur un si beau visage mille et mille raisons d'un éternel hommage. Oh, la subtile ruse et l'excellent détour. Sans doute, une des deux te donne de l'amour, mais tu le veux cacher. Que dites-vous, madame? Un de ces deux objets captiverait mon âme. Jugez-en mieux de grâce et croyez que mon cœur choisirait pour se rendre un plus puissant vainqueur. Tu tranches du fâcheux. Bélin des chrysolites manque donc à ton gré d'attrait et de mérite, elle dont les beautés captivent mille amants. Tout autre trouverait leur visage charmant, et j'en ferais état si le ciel m'eût fait naître d'un malheur assez grand pour ne vous pas connaître. Mais l'honneur de vous voir que vous me permettez fait que je n'y remarque aucune rareté. Et plein de votre idée, il ne m'est pas possible ni d'admirer ailleurs, ni d'être ailleurs sensible. On ne m'éblouit pas, à force de flatter. Revenons aux propos que tu veux éviter. Je veux savoir des deux laquelle est ta maîtresse. Ne dissimule plus, Philiste, et me confesse... Que Chrysolite et l'autre égales toutes deux n'ont rien d'assez puissant pour attirer mes vœux. Si blessé des regards de quelques beaux visages, mon cœur de sa franchise avait perdu l'usage... Tu serais assez fin pour bien cacher ton jeu. C'est ce qui ne se peut. L'amour est tout de feu. Il éclaire en brûlant et se trahit soi-même. Un esprit amoureux, absent de ce qu'il aime, par sa mauvaise humeur fait trop voir ce qu'il est. Toujours morne, rêveur, triste, tout lui déplaît. À tout autre propos qu'à celui de sa flamme, le silence à la bouche et le chagrin dans l'âme, son œil semble à regret nous donner ses regards, et les jette à la fois, souvent, de toutes parts, qu'ainsi quand sa fonction, confuse ou mal guidée, se ramène en soi-même. Il ne voit qu'une idée. Mais auprès de l'objet qui possède son cœur. Ses esprits ranimés reprennent leur vigueur, gais, complaisants, actifs. Enfin, que veux-tu dire? Que par ces actions que je viens de décrire, vous, de qui j'ai l'honneur chaque jour d'approcher, jugiez pour quel objet l'amour m'a su toucher. Pour faire un jugement d'une telle importance, il faudrait plus de temps. Adieu. La nuit s'avance. Te verra-t-on demain? Madame, en doutez-vous. Jamais commandements ne me furent si doux. Loin de vous, je n'ai rien qu'avec plaisir je vois. Tout me devient fâcheux, tout s'oppose à ma joie. Un chagrin invincible accable tous mes sens. Si, comme tu le dis, dans le cœur des absents, c'est l'amour qui fait naître une telle tristesse, ce compliment n'est bon qu'auprès d'une maîtresse. Souffrez-le d'un respect qui produit chaque jour, pour un sujet si haut, les effets de l'amour. Las. Il m'en dit assez si je l'osais entendre. Et ses désirs aux miens se font assez comprendre. Mais pour nous déclarer une si belle ardeur, l'un est muet de crainte et l'autre de pudeur. Que mon rang me déplaît. Que mon trou de fortune, au lieu de m'obliger, me choque et m'importune. Égal à mon Philiste, il m'offrirait ses vœux. Je m'entendrais nommer le sujet de ses feux. Et ses discours pourraient forcer ma modestie à l'assurer bientôt de notre sympathie. Mais le peu de rapport de nos conditions ôte le nom d'amour à ses soumissions. Et sous l'injuste loi de cette retenue, le remède me manque. Et mon mal continue. Il me sert en esclave et non pas en amant, tant son respect s'oppose à mon contentement. Ah ! Que ne devient-il un peu plus téméraire ? Que ne s'expose-t-il au hasard de me plaire ? À moi, gagne à la fin ce respect ennuyeux et rends-le-moi timide, ou l'hôte de mes yeux. Secret tyran de ma pensée. Respect, amour. De qui les lois d'injuste et fâcheux contrepoids la tiennent toujours balancée. Que vos mouvements opposés, vos traits l'un par l'autre brisés sont puissants à s'entre-détruire. Que l'un m'offre d'espoir, que l'autre a de rigueur. Et tandis que tous deux tâchent à me séduire, que leur combat est rude au milieu de mon cœur. Moi-même, je fais mon supplice à force de leur obéir, mais le moyen de les haïr. Ils viennent tous deux de Clarisse. Ils m'en entretiennent tous deux et forment ma crainte et mes vœux pour ce bel œil qui les fait naître. Et de deux flots divers, mon esprit agité, plein de glace et d'un feu qui n'oserait paraître, blâme sa retenue et sa témérité. Mon âme, dans cet esclavage, fait des vœux qu'elle n'ose offrir. J'aime seulement pour souffrir. J'ai trop et trop peu de courage. Je vois bien que je suis aimé et que l'objet qui m'a charmé vit en de pareilles contraintes. Mon silence à ces feux fait tant de trahison qu'impertinent captif de mes frivoles craintes. Pour accroître son mal, je fuis ma guérison. Elle brûle. Et par quelques signes que son cœur s'explique avec moi, je doute de ce que je vois, parce que je m'en trouve indigne. Espoir à Dieu. C'est trop flatté. Ne crois pas que cette beauté daigne avouer de telles flammes. Et dans le juste soin qu'elle a de les cacher, vois que si même ardeur embrase nos deux âmes, sa bouche à son esprit n'ose le reprocher. Pauvre amant, vois par son silence qu'elle t'en commande un égal, et que le récit de ton mal te convaincrait d'une insolence. Quel fantasque raisonnement ! Et qu'au milieu de mon tourment, je deviens subtil à ma peine. Pourquoi m'imaginer qu'un discours amoureux par un contraire effet, change l'amour en haine. Et malgré mon bonheur, me rendent malheureux. J'aperçois Clarisse. Oh Dieu ! Si cette belle parlait autant de moi que je m'entretiens d'elle. Du moins, si ça nourrit sa soin de nos amours, c'est de moi qu'à présent doit être leur discours. Oh. Une humeur curieuse avec chaleur m'emporte à me couler sans bruit derrière cette porte. Pour écouter de là, sans en être aperçu, en quoi mon fol espoir me peut avoir déçu. Allons. Souvent, l'amour ne veut qu'une bonne heure. Jamais l'occasion ne s'offrira meilleure. Et peut-être qu'enfin, nous en pourrons tirer celle que nous cherchons pour nous mieux déclarer. Tu me veux détourner d'une seconde flamme dont je ne pense pas qu'autre que toi me blâme. Être veuve à mon âge est toujours déplorer la perte d'un mari que je puis réparer. Refuser d'un amant ce doux nom de maîtresse, n'avoir que des mépris pour les vœux qu'il m'adresse, le voir toujours languir dessous ma dure loi, cette vertu, nourrice, est trop haute pour moi. Madame, mon avis au vôtre ne résiste qu'alors que votre ardeur se porte vers Philiste. Aimer quelqu'un. Mais comme à l'autre fois, qu'un lieu digne de vous arrête votre choix. Brise-là ce discours dont mon amour s'irrite. Philiste n'en voit point qui le passe en mérite. Je ne remarque en lui rien que de fort commun, sinon que plus qu'un autre il se rend importun. Que ton aveuglement en ce point est extrême, et que tu connais mal et Philiste et moi-même, si tu crois que l'excès de sa civilité passe jamais chez moi pour importunité. Ce cajoleur rusé qui toujours vous assiège a tant fait qu'à la fin vous tombez dans son piège. Ce cavalier parfait de qui je tiens le cœur a tant fait que du mien il s'est rendu vainqueur. Il aime votre bien et non votre personne. Son vertueux amour l'un et l'autre lui donne. Se met trop d'heures encore dans le peu que je vaux qu'un peu de bien que j'ai supplée à mes défauts. La mémoire d'Alcandre et le rang qu'il vous laisse voudrait un successeur de plus haute noblesse. S'il précéda Philiste en vaine dignité, Philiste le devance en rare qualité. Il est né gentilhomme, et sa vertu répare tout ce dont la fortune envers lui fut avare. Nous avons, elle et moi, trop de quoi l'agrandir. Si vous pouviez, madame, un peu vous refroidir pour le considérer avec indifférence, sans prendre pour mérite une fausse apparence, la raison ferait voir à vos yeux insensés que Philiste n'est pas tout ce que vous pensez. Croyez-moi plus que vous, j'ai vieilli dans le monde, j'ai de l'expérience, et c'est où je me fonde. Éloignez quelque temps ce dangereux charmeur, faites en son absence essai d'une autre humeur, pratiquez-en quelque autre, et désintéressé, comparez-lui l'objet dont vous êtes blessé. Comparez-en l'esprit, la façon, l'entretien, et lors vous trouverez qu'un autre le vaut bien. Exercer contre moi de si noirs artifices, donner à mon amour de si cruels supplices, trahir tous mes désirs, éteindre un feu si beau, qu'on m'enferme plutôt toute vive au tombeau. Fais venir cet amant. Dussé-je la première lui faire de mon cœur une ouverture entière, je ne permettrai point qu'il sorte d'avec moi sans avoir l'un à l'autre engagé notre foi. Ne précipitez point ce que le temps ménage. Vous pourrez à loisir éprouver son courage. Ne m'importune plus de tes conseils maudits et sans me répliquer, fais ce que je te dis. Qu'on me sert auprès de ma maîtresse, détestable sorcière! Eh bien, quoi? Qu'ai-je fait? Et tu doutes encore si j'ai vu ton forfait? Quel forfait? Peut-on voir lâcheté plus hardie? Joindre encore l'impudence à tant de perfidie? Tenir ce qu'on promet, est-ce une trahison? Est-ce ainsi qu'on le tient? Parlons avec raison. Que t'avais-je promis? Que de tout ton possible, tu rendrais ta maîtresse à mes désirs sensibles et la disposerais à recevoir mes vœux. Et ne la vois-tu pas au point où tu la veux? Malgré toi, mon bonheur à ce point l'a réduite. Mais tu dois ce bonheur à ma sage conduite, jeune et simple novice en matière d'amour qui ne saurait comprendre encore un si bon tour. Flatter de nos discours les passions des dames, c'est aider lâchement à leur naissante flamme. C'est traiter lourdement un délicat effet. C'est n'y savoir enfin que ce que chacun sait. Moi, qui de ce métier est la haute science et qui pour te servir brûle d'impatience, par un chemin plus court qu'un propos complaisant, j'ai su croître sa flamme en la contredisant. Chut. J'ai su faire éclater, mais avec violence, un amour étouffé sous un honteux silence, et n'est pas tant choqué que piqué ses désirs, dont la soif irritée avance tes plaisirs. À croire ton babil, la ruse est merveilleuse, mais l'épreuve à mon goût en est fort périlleuse. Jamais il ne s'est vu de tour plus assuré. La raison et l'amour sont ennemis jurés, et lorsque ce dernier dans un esprit commande, il ne peut endurer que l'autre le gourmande. Plus la raison l'attaque, et plus il se raidit. Plus elle l'intimide, et plus il s'enhardit. Je le dis sans besoin, vos yeux et vos oreilles sont de trop bons témoins de toutes ces merveilles. Vous-même avez tout vu. Que voulez-vous de plus? Entrez, on vous attend. Ces discours superflus reculent votre bien et font languir Clarisse. Allez, allez cueillir les fruits de mon service. Usez bien de votre heure et de l'occasion. Soit une vérité, soit une illusion, que ton esprit adroit emploie à ta défense, le mien de tes discours plus outre ne s'offense. J'en estimerais mon bonheur plus parfait si d'un mauvais dessein j'en tire un bon effet. Que de propos perdus. Voyez l'impatiente qui ne peut plus souffrir une si longue attente. Paresseux qui tardait si longtemps à venir, devinez la façon dont je veux vous punir. M'interdiriez-vous bien l'honneur de votre vue ? Vraiment, vous me jugez de sens fort dépourvu ? Vous bannir de mes yeux ? Une si dure loi ferait trop retomber le châtiment sur moi, et je n'ai pas failli pour me punir moi-même. L'absence ne fait mal que de ceux que l'on aime. Aussi, que savez-vous si vos perfections ne vous ont rien acquis sur mes affections ? Madame, excusez-moi, je sais mieux reconnaître mes défauts et le peu que le ciel m'a fait naître. N'oublierez-vous jamais ces termes ravalés pour vous priser de bouche autant que vous valez ? Seriez-vous bien content qu'on crût ce que vous dites ? Demeurez avec moi d'accord de vos mérites. Laissez-moi me flatter de cette vanité que j'ai quelque pouvoir sur votre liberté et qu'une humeur si froide à tout autre invincible ne perd qu'auprès de moi le titre d'insensible. Une aussi douce erreur tâche à s'autoriser. Quel plaisir prenez-vous à m'en désabuser ? Ce n'est point une erreur. Pardonnez-moi, madame. Ce sont les mouvements les plus sains de mon âme. Il est vrai, je vous aime, et mes feux indiscrets se donnent leur supplice en demeurant secrets. Je reçois sans contrainte une ardeur téméraire. Mais si j'ose brûler, je sais aussi me taire. Et près de votre objet, mon unique vainqueur, je puis tout sur ma langue et rien dessus mon cœur. En vain j'avais appris que la seule espérance entretenait l'amour dans la persévérance. J'aime sans espérer et mon cœur enflammé a pour but de vous plaire et non pas d'être aimé. L'amour devient servile alors qu'il se dispense à n'allumer ses feux que pour la récompense. Ma flamme est toute pure et sans rien présumer, je ne cherche en aimant que le seul bien d'aimer. Et celui d'être aimé sans que tu le prétendes préviendra tes désirs et tes justes demandes. Ne déguisons plus rien, cher Philiste. Il est temps qu'un aveu mutuel rende nos vœux contents. Donnons-leur, je te prie, une entière assurance. Vengeons-nous à loisir de notre indifférence. Vengeons-nous à loisir de toutes ces langueurs où sa fausse couleur avait réduit nos cœurs. Vous me jouez, madame. Et cette accorte feinte ne donne à mon amour qu'une railleuse atteinte. Quelle façon étrange. En me voyant brûler, tu t'obstines encore à le dissimuler ? Tu veux qu'encore un coup, je me donne la honte de te dire à quel point l'amour pour toi me dompte ? Tu le vois cependant avec pleine clarté et veux douter encore de cette vérité ? Oui, j'en doute. Et l'excès du bonheur qui m'accable me surprend, me confond, me paraît incroyable. Madame, est-il possible ? Et me puis-je assurer d'un bien à quoi mes vœux n'oseraient aspirer ? Cesse de me tuer par cette défiance. Qui pourrait des mortels troubler notre alliance ? Quelqu'un a-t-il à voir dessus mes actions qui prescrivent une règle à mes affections ? Veuve, et qui ne doit plus de respect à personne, ne puis-je disposer de ce que je te donne ? N'ayant jamais été digne d'un tel honneur, j'ai de la peine encore à croire mon bonheur. Pour t'obliger enfin à changer de langage, si ma foi ne suffit, que je te donne en gage un bracelet exprès tissé de mes cheveux, t'attend pour enchaîner et ton bras et tes vœux. Viens le quérir et prendre avec moi la journée qui termine bientôt notre heureuse hyménée. C'est dont vos seuls avis se doivent consulter. Trop heureux quant à moi de les exécuter. Sans votre hôte, et vous pourrez apprendre que ce n'est pas sans moi que ce jour se doit prendre. de vos prétentions, Alcidon averti vous fera, s'il m'en croit, un dangereux parti. Je lui vais bien donner de plus sûres adresses que d'amuser Doris par de fausses caresses. Aussi bien m'a-t-on dit, à beau jeu, beau retour. Au lieu de la duper avec ce feint amour, elle-même le dupe, et lui rendant son change, lui promet un amour qu'elle garde à Florange. Ainsi, de tout côté primé par un rival, ses affaires sans moi se porteraient fort mal. Adieu, mon cher souci. Sois sûr que mon âme, jusqu'au dernier soupir, conservera sa flamme. Alcidon, cet adieu me prend au dépourvu. Tu ne fais que d'entrer. À peine t'ai-je vu. Si m'enviais trop tôt le bien de ta présence, de grâce, oblige-moi d'un peu de complaisance. Et puisque je te tiens, souffre qu'avec loisir je puisse m'en donner un peu plus de plaisir. Je t'explique si mal le feu qui me consume qu'il me force à rougir, d'autant plus qu'il s'allume. Mon discours s'en confond, j'en demeure interdit. Ce que je ne puis dire est plus que je n'ai dit. J'en hais les vains efforts de ma langue grossière qui manque de justesse en si belle matière et, ne répondant point au mouvement du cœur, te découvre si peu le fond de ma langueur. Doris, si tu pouvais lire dans ma pensée et voir jusqu'au milieu de mon âme blessée, tu verrais un brasier bien autre et bien plus grand qu'en ces faibles devoirs que ma bouche te rend. Si tu pouvais aussi pénétrer mon courage et voir jusqu'à quel point ma passion m'engage, ce que dans mes discours tu prends pour des ardeurs ne te semblerait plus que de tristes froideurs. Ton amour et le mien ont faute de parole. Par un malheur égal, ainsi tu me consoles. Et de mille défauts me sentant accablé, se met trop d'heures qu'un d'eux me fait te ressembler. Mais quelques ressemblances entre nous qui surviennent, ta passion n'a rien qui ressemble à la mienne, et tu ne m'aimes pas de la même façon. Si tu m'aimes encore, quitte un si faux soupçon. Tu douterais à tort d'une chose trop claire. L'épreuve fera foi comme j'aime à te plaire. Je meurs d'impatience, attendant l'heureux jour, qui te montre qu'elle est envers toi, mon amour. Ma mère en ma faveur brûle de même envie. Hélas, ma volonté, sous un autre asservie, dont je ne puis encore à mon gré disposer, fait que d'un tel bonheur je ne saurais user. Je dépends d'un vieil oncle. Et s'il ne m'autorise, je ne te fais qu'en vain le don de ma franchise. Tu sais que tout son bien ne regarde que moi, et qu'attendant sa mort, je vis dessous sa loi. Mais nous le gagnerons. Et mon humeur à Corte sait comme il faut avoir les hommes de sa sorte. Un peu de temps fait tout. Ne précipite rien. Je connais ce qu'au monde aujourd'hui vaut le bien. Conserve ce vieillard. Pourquoi te mettre en peine à force de m'aimer, de t'acquérir sa haine? Ce qui te plaît m'agré. Et ce retardement par ce qui vient de toi m'oblige infiniment. De moi? C'est offenser une pure innocence. Si l'effet de mes voeux n'est pas en ma puissance, leur obstacle me gêne autant ou plus que toi. C'est prendre mal mon sens. Je sais quelle est ta foi. En veux-tu par écrit une entière assurance? Elle m'assure assez de ta persévérance et je lui ferai tort d'en recevoir d'ailleurs une preuve plus ample ou des garants meilleurs. Je la porte demain pour mieux faire connaître. Ah, j'en crois si fortement ce que j'en vois paraître que c'est perdre du temps que de plus en parler. Adieu. Va désormais où tu voulais aller. Si pour te retenir j'ai trop peu de mérite, souviens-toi pour le moins que c'est moi qui te quitte. Ce brusque adieu m'étonne, et je n'entends pas bien. Je te prends au sortir d'un plaisant entretien? Plaisant, de vérité. Vu que mon artifice lui raconte les vœux que j'envoie à Clarisse, et de tous mes soupirs qui se portent plus loin, elle se croit l'objet. Il n'en est que témoin. Ainsi ton feu se joue? Ainsi, quand je soupire, je la prends pour une autre et lui dis mon martyre, et sa réponse au point que je puis souhaiter dans cette illusion a droit de me flatter. Elle t'aime. Et de plus, un discours équivoque lui fait aisément croire un amour réciproque. Elle se pense belle, et cette vanité l'assure imprudemment de ma captivité. Et comme si j'étais des amants ordinaires, elle prend sur mon cœur des droits imaginaires, cependant que le sien sent tout ce que je feins, et vit dans les langueurs dont à faux je me plains. Je te réponds que non. Si tu n'y mets remède, avant qu'il soit 3 jours, Florent, je la possède. Et qui t'en a-t-on dit ? Jérôme a tout compté. C'est lui qui, sourdement, a conduit ce traité. C'est ce qu'en mots obscurs son adieu voulait dire. Elle a cru me braver. Mais je n'en fais que rire. Et comme j'étais là de me contraindre tant, la coquette qu'elle est m'oblige en me quittant. Ne m'apprendras-tu point ce que fait ta maîtresse ? Elle met ton agente au bout de sa finesse. Philiste assurément tient son esprit charmé. Je n'aurais jamais cru qu'elle l'eût tant aimé. Cette affaire a du temps. Quitte cette espérance. Ils ont pris l'un de l'autre une entière assurance, jusqu'à s'entredonner la parole et la foi. Que tu demeures froide en te moquant de moi ! Rien de si vrai, ce n'est point raillerie. C'est donc fait d'Alcidon ? Nourrice, je te prie. Rien ne sert de prier. Mon esprit épuisé pour divertir ce coup n'est point assez rusé. Je n'en sais qu'un moyen, mais je ne l'ose dire. Dépêche, ta longueur m'est un second martyr. Clarisse, tous les soirs, rêvant à ses amours, seule dans son jardin, fait 3 ou 4 tours. Et qu'a cela de propre à reculer ma perte ? Je te puis en tenir la fausse porte ouverte. Aurais-tu du courage assez pour l'enlever ? Oui, mais il faut retraite après ou me sauver. Et je n'ai point d'amis si peu jaloux de gloire que d'être partisan d'une action si noire. Si j'avais un prétexte, alors je ne dis pas que quelqu'un abusé n'accompagna mes pas. On te vole, Doris, et ta feinte colère manquerait de prétexte à quereller son frère. Fais-en sonner partout un faux ressentiment. Tu verras trop d'amis s'offrir aveuglément, se prendre assez dehors, et sans voir dans ton âme vouloir venger l'affront qu'aura reçu ta flamme. Sers-toi de leur erreur, et dupe-les si bien. Ce prétexte est si beau que je ne crains plus rien. Pour ôter tout soupçon de notre intelligence, ne faisons plus ensemble aucune conférence. Eh bien, quand tu pourras, je t'attendais demain. Adieu. Je tiens le coup, autant vaut dans ma main. Ce n'est pas que j'excuse ou la sœur ou le frère dont l'infidélité fait naître ta colère, mais à ne point mentir, ton dessein à la borne a gagné mon esprit qu'avec un peu d'effort. Lorsque tu m'as parlé d'enlever sa maîtresse, l'honneur a quelque temps combattu ma promesse. Ce mot d'enlèvement me faisait de l'horreur. Mes sens, embarrassés dans cette vaine erreur, n'avaient plus la raison de leur intelligence. En plaignant ton malheur, je blâmais ta vengeance et l'ombre d'un forfait, amusant ma pitié, retardait les effets dus à notre amitié. Pardonne un vain scrupule à mon âme inquiète. Prends mon bras pour second, mon château pour retraite. Le déloyal philiste, en te volant ton bien, n'a que trop mérité qu'on le prive du sien. Après son action, la tienne est légitime. Et l'on venge sans honte un crime par un crime. Tu vois comme il me trompe et me promet sa sœur pour en faire sous main Florange, possesseur. Ah, ciel ! Fut-il jamais un si noir artifice ? Il lui fait recevoir mes offres de service. Cette belle m'accepte. Et fier de son aveu, je me vante partout du bonheur de mon feu. Cependant, il me l'ôte. Et par cette pratique, plus mon amour est su, plus ma honte est publique. Après sa trahison, vois ma fidélité. Il t'enlève un objet que je t'avais quitté. Ta Doris fut toujours la reine de mon âme. J'ai toujours eu pour elle une secrète flamme. Sans jamais témoigner que j'en étais épris, tant que tes feux ont pu te promettre ce prix. Quand je t'aurai vengé contre lui, je me venge. Et je lui fais savoir que jusqu'à mon trépas, tout autre qu'Alcidon ne l'emportera pas. Pour moi, donc, à ce point, ta contrainte est venue ? Que je te veux de mal de cette retenue ? Est-ce ainsi qu'entre amis, on vit à cœur ouvert ? Mon feu qui t'offensait est demeuré couvert, et si cette beauté, malgré moi, l'a fait naître, j'ai su, pour ton respect, l'empêcher de paraître. Hélas, tu m'as perdu, me voulant obliger. Notre vieille amitié m'en eût fait dégager. Je souffre maintenant la honte de sa perte, et j'aurais eu l'honneur de te l'avoir offerte, de te l'avoir cédée, et réduit mes désirs au glorieux dessein d'avancer tes plaisirs. Faites, Dieu Tout-Puissant, que Philiste se change, et l'inspirant bientôt de rompre avec Florange, donnez-moi le moyen de montrer qu'à mon tour, je sais, pour un ami, contraindre mon amour. Tes souhaits arrivés, nous t'enverrions des dires. Doris, sur ton esprit reprendrait son empire, nous donnons aisément ce qui n'est plus à nous. Si j'y manquais, grand Dieu, je vous conjure tous d'armer contre Alcidon vos dextres vengeresses. Un ami tel que toi m'est plus que 100 maîtresses. Il n'y va pas de temps. Résolvons seulement du jour et des moyens de cet enlèvement. Mon secret n'a besoin que de ton assistance. Je n'ai point lieu de craindre aucune résistance. La beauté dont mon traître adore les attraits, chaque soir au jardin, va prendre un peu le frais. J'en ai su de lui-même ouvrir la fausse porte. Étant seul et de nuit, le moindre effort l'emporte. Allons-y dès ce soir. Le plus tôt vaut le mieux. Et surtout, déguisé. Dérobons à ses yeux et de nous et du coup l'entière connaissance. Si Clarisse, une fois, est en notre puissance, crois que c'est un bon gage à moyenner l'accord et rendre en le faisant ton parti le plus fort. Mais pour la sûreté d'une telle surprise, aussitôt que chez moi nous pourrons l'avoir mise, retournons sur nos pas. Et soudain, effaçons ce que pourrait l'absence engendrer de soupçons. Ton salutaire avis est la même prudence. Et déjà, je prépare une froide impudence à m'informer demain, avec étonnement, de l'heure et de l'auteur de cet enlèvement. Adieu. J'y vais mettre ordre. Estime qu'en revanche, je n'ai goutte de sang que pour toi je n'épanche. Dieu, que d'innocence et de simplicité. Ou pour la mieux nommer, que de stupidité dont le manque de sens se cache et se déguise sous le front spécieux d'une sotte franchise. Que Célidan est bon, que j'aime sa candeur, et que son peu d'adresse oblige mon ardeur. Oh, qu'il n'est pas de ceux dont l'esprit à la mode, à l'humeur d'un ami, jamais ne s'incommode, et qui nous font souvent sans protestation, et contre les effets ont mille inventions. Lui, quand il a promis, il meurt qu'il n'effectue, et l'attente déjà de me servir le tue. J'admire cependant par quel secret ressort sa fortune et la mienne ont cela de rapport, que celle qu'un ami nomme ou tient sa maîtresse est l'objet qui tous deux au fond du cœur nous blesse, et qu'ayant comme moi caché sa passion, nous n'avons différé que de l'intention. Puisqu'il met pour autrui son bonheur en arrière, et pour moi... Je t'y prends, rêveur. Oui, par derrière, c'est d'ordinaire ainsi que les traîtres en font. Je te vois accablé d'un chagrin si profond que j'excuse aisément ta réponse un peu crue. Mais que fais-tu si triste au milieu d'une rue? Quelques pensées fâcheuses te servaient d'entretien? Je rêvais que le monde en l'âme ne vaut rien, du moins pour la plupart, que le siècle où nous sommes a bien dissimulé mais la vertu des hommes, qu'à peine quatre mots se peuvent échapper sans quelque double sens afin de nous tromper, et que souvent, de bouche, un dessein se propose, cependant que l'esprit songe à toute autre chose. Et cela t'affligeait? Laissons courir le temps, et malgré ces abus, vivons toujours contents. Le monde est un chaos et son désordre excède tout ce qu'on y voudrait apporter de remède. N'ayons l'œil, cher ami, que sur nos actions. Aussi bien s'offenser de ces corruptions à des gens comme nous, ce n'est qu'une folie. Mais pour te retirer de ta mélancolie, je te veux faire part de mes contentements. Si l'on peut en amour s'assurer au serment, dans 3 jours au plus tard, par un bonheur étrange, Clarisse est à Philiste. Et Doris à Florange. Quelques soupçons frivoles en ce point te déçoit. J'aurais perdu la vie avant que cela soit. Voilà faire le fin de fort mauvaise grâce, Philiste. Vois-tu bien, je sais ce qui se passe. Ma mère en a reçu de vrai quelques propos, et voulu hier au soir m'en toucher quelques mots. Les femmes de son âge ont ce mal ordinaire de régler sur les biens une pareille affaire. Ainsi, honteux motif leur fait tout décider, et l'or, qui les aveugle, a droit de les guider. Mais comme son éclat n'éblouit point mon âme, que je vois d'un autre œil ton mérite et ta flamme, je lui fis bien savoir que mon consentement ne dépendrait jamais de son aveuglement. Et que jusqu'au tombeau, quant à cet hyménée, je maintiendrai la foi que je t'avais donnée. Ma sœur Accortement feignait de l'écouter, non pas que son amour n'osât lui résister, mais elle voulait bien qu'un peu de jalousie sur quelques bruits légers piquât ta fantaisie. Ce petit aiguillon, quelquefois en passant, réveille puissamment un amour languissant. Fais à qui tu voudras ce conte ridicule. Soit que ta sœur l'accepte, ou qu'elle le dissimule, le peu que j'y perdrai ne vaut pas m'en fâcher. Rien de mes sentiments ne saurait approcher, comme alors qu'au théâtre on nous fait voir Mélite, le discours de Chloris quand Philandre la quitte. Ce qu'elle dit de lui, je le dis de ta sœur, et je la veux traiter avec même douceur. Pourquoi maigrir contre elle? En cet indigne change, le beau choix qu'elle fait la punit et me venge. Et ce sexe imparfait de soi-même ennemi ne posséda jamais la raison qu'à demi. J'aurais tort de vouloir qu'elle en eût davantage. Sa faiblesse la force à devenir volage. Je n'ai que pitié d'elle en ce manque de foi, et mon courroux entier se réserve pour toi. Toi qui trahis ma flamme après l'avoir fait naître, toi qui ne m'es ami qu'afin d'être plus traître, et que tes lâchetés tirent de leur excès par ce damnable appât un facile succès. Déloyal, ainsi donc de ta vaine promesse, je reçois 1000 affronts au lieu d'une maîtresse. Et ton perfide cœur, masqué jusqu'à ce jour, pour assouvir ta haine, alluma mon amour. Ces soupçons dissipés par des effets contraires, nous renouerons bientôt une amitié de frère. Puisse dessus ma tête éclater à tes yeux ce qu'a de plus mortel la colère des cieux, si jamais ton rival, à ma sœur, sans ma vie. À cause de son bien, ma mère en meurt d'envie, mais malgré... Laisse-la, ces propos superflus, ces protestations ne m'éblouissent plus, et ma simplicité, lasse d'être dupée, n'admet plus de raison qu'au bout de mon épée. Étrange impression d'une jalouse erreur, dont ton esprit atteint ne suit que sa fureur. Eh bien, tu veux ma vie? Et je te l'abandonne. Ce courroux insensé qui dans ton cœur bouillonne, contente-le par là. Pousse, mais n'attends pas que par le tien je veuille éviter mon trépas. Trop heureux que mon sang puisse te satisfaire, je le veux tout donner au seul bien de te plaire. Toujours à ces défis j'ai couru sans effroi. Mais je n'ai point d'épée à tirer contre toi. Voilà bien déguisé un manque de courage. C'est presser un peu trop qu'aller jusqu'à l'outrage. On n'a point encore vu que ce manque de cœur m'ait rendu le dernier où vont les gens d'honneur. Je te veux bien noter tout sujet de colère, et quoique de ma sœur ait résolu ma mère, du mon peu de respect irrité tous les dieux, j'affronterai Géron et Florange à ses yeux. Mais après les efforts de cette déférence, si tu gardes encore la même violence, peut-être saurons-nous apaiser autrement les obstinations de ton emportement. Je crains son amitié plus que cette menace. Ah, sans doute il va chasser Florange de ma place. Mon prétexte est perdu s'il ne quitte ses soins. Dieu, qu'il m'obligerait de m'aimer un peu moins. Je meurs, mon enfant, si tu n'es admirable. Et ta dextérité me semble incomparable. Tu mérites de vivre après un si beau tour. Croyez-moi qu'Alcidon n'en sait guère, mon amour. Vous n'eussiez pu m'entendre et vous garder de rire. Je me tuais moi-même à tout coup de lui dire que mon âme pour lui n'a que de la froideur et que je lui ressemble en ce que notre ardeur ne s'explique à tous deux, point du tout par la bouche. Enfin que je le quitte. Il est donc une souche s'il ne peut rien comprendre ses naïvetés. Peut-être y mêlais-tu quelques obscurités, pas une. En mauvais exprès, je lui rendais son change et n'ai couvert mon jeu qu'au regard de Florange. De Florange? Et comment en osais-tu parler? Je ne me trouvais pas d'humeur à rien celer. Mais nous nous sûmes l'or jeté sur l'équivoque. Tu vaux trop. C'est ainsi qu'il faut quand on se moque, que le moqué toujours sorte fort satisfait. Ce n'est plus autrement qu'un plaisir imparfait qui souvent, malgré nous, se termine en querelle. Je lui prépare encore une ruse nouvelle pour la première fois qu'il m'en viendra compter. Mais pour en dire trop, tu pourras tout gâter. N'en ayez pas de peur. Quoi que l'on se propose assez souvent l'issue. On vous veut quelque chose. Madame, je vous laisse. Oui, va-t'en. Il vaut mieux que l'on ne traite point cette affaire à tes yeux. Je devine à peu près le sujet qui t'amène. Mais sans mentir, mon fils me donne un peu de peine et s'emporte si fort en faveur d'un ami que je n'ai su gagner son esprit qu'à demi. Encore une remise, et tandis que Florange ne craigne aucunement qu'on lui donne le change, moi-même j'ai tant fait que ma fille aujourd'hui, le croirais-tu, Géron, a de l'amour pour lui. Florange, impatient de n'avoir pas encore l'entier et libre accès vers l'objet qu'il adore, ne pourra consentir à ce retardement. Le tout en ira mieux pour son contentement. Quel plaisir aura-t-il auprès de sa maîtresse si mon fils ne l'y voit que d'un œil de rudesse, si sa mauvaise humeur ne daigne lui parler, ou ne lui parle enfin que pour le quereller. Madame, il ne faut point tant de discours frivoles. Je ne fus jamais homme à porter des paroles depuis que j'ai connu qu'on ne les peut tenir. Si monsieur votre fils... Je l'aperçois venir. Tant mieux. Nous allons voir s'il dédiera sa mère. Sauve-toi. Ses regards ne sont que de colère. Te voilà donc ici, peste du bien public, qui réduit les amours en un sale trafic. Va pratiquer ailleurs tes commerces infâmes. Ce n'est pas où je suis que l'on surprend des femmes. Vous me prenez à tort pour quelque suborneur. Je ne sortis jamais des termes de l'honneur. Et madame elle-même a choisi cette voie. Tiens, porte ce revers à celui qui t'envoie. Ceux-ci seront pour toi. Mon fils, qu'avez-vous fait? J'ai mis, grâce aux dieux, ma promesse en effet. Ainsi, vous m'empêchez d'exécuter la mienne. Je ne puis empêcher que la vôtre le tienne, mais si jamais je trouve ici ce courtier, je lui saurai, madame, apprendre son métier. Il vient sous mon aveu. Votre aveu ne m'importe. C'est un fou s'il me voit sans regagner la porte. Autrement, il saura ce que pèsent mes coups. Est-ce là le respect que j'attendais de vous? Commandez que le cœur à vos yeux je m'arrache, pourvu que mon honneur ne souffre aucune tache. Je suis prêt d'expier avec mille tourments ce que je mets d'obstacle à vos contentements. Souffrez que la raison règle votre courage. Considérez, mon fils, quelle heure, quel avantage l'affaire qui se traite apporte à votre sœur. Le bien est en ce siècle une grande douceur, étant riche, on est tout. Ajoutez qu'elle-même n'aime point Alcidon et ne croit pas qu'il l'aime. Quoi ? Voulez-vous forcer son inclination ? Vous la forcez vous-même à cette élection. Je suis de ses amours le témoin oculaire. Elle se contraignait seulement pour vous plaire. Elle doit donc encore se contraindre pour moi. Et pourquoi lui prescrire une si dure loi ? Puisqu'elle m'a trompé, qu'elle en porte la peine. Voulez-vous l'attacher à l'objet de sa haine ? Je veux tenir parole à mes meilleurs amis, et qu'elle tienne aussi ce qu'elle m'a promis. Mais elle ne vous doit aucune obéissance. Sa promesse me donne une entière puissance. Sa promesse sans moi ne la peut obliger. Que deviendra ma foi qu'elle a fait engager ? Il faut la révoquer comme elle sa promesse. Il faudrait donc comme elle avoir l'âme traîtresse. Icasse. Cours chez Florange. Et dis-lui de ma part... Quel violent esprit! Que s'il ne se départ d'une place chez nous par surprise occupée, je ne le trouve point sans une bonne épée. Attends un peu, mon fils! Marche, mais promptement! Dieu, que cette emportée me donne de tourments. Que je te plains, ma fille. Hélas, pour ta misère, les destins ennemis t'ont fait naître ce frère. Déplorable, le ciel te veut favoriser d'une bonne fortune et tu n'en peux user. Rejoignons toutes deux ce naturel sauvage et tâchons par nos pleurs d'amollir son courage. cher confident de mes désirs. Beaulieu, secret témoin de mon inquiétude, ce n'est plus avec des soupirs que je viens abuser de votre solitude. Mes tourments sont passés. Mes vœux sont exaucés. La joie au mot succède. Mon sort en ma faveur change sa dure loi. Et pour dire en un mot le bien que je possède, mon philiste est à moi. En vain nos inégalités m'avaient avantagé. À mon désavantage. L'amour confond nos qualités et nous réduit tous deux sous un même esclavage. L'aveugle outrecuidé se croyait mal guidé par l'aveugle fortune, et son aveuglement, par miracle, fait voir que quand il nous saisit, l'autre nous importune et n'a plus de pouvoir. Cher philiste, à présent tes yeux que j'entendais si bien, sans les vouloir entendre, et tes propos mystérieux, par leur rusé détour, n'ont plus rien à m'apprendre. Notre libre entretien ne dissimule rien, et ces respects farouches n'exerçant plus sur nous de secrète rigueur, l'amour est maintenant le maître de nos bouches ainsi que de nos cœurs. Qu'il fait bon avoir enduré. Que le plaisir se goûte au sortir des supplices. Qu'après avoir tant duré, la peine qui n'est plus augmente nos délices. Qu'un si doux souvenir m'apprête à l'avenir d'amoureuse tendresse. Que mes malheurs finis auront de volupté. Et que j'estimerai chèrement ces caresses qui m'auront tant coûté. Mon heure me semble sans pareil. Depuis qu'en liberté notre amour m'en assure, je ne crois pas que le soleil. Cocher, attends-nous là. D'où provient ce murmure? Il est temps d'avancer, baissons le tap à bord. Moins nous ferons de bruit, moins il faudra d'efforts. Voleurs! Au secours! Quoi? Des voleurs, madame? Oui, des voleurs, nourrice! Oh! Misérable! Allons, il faut marcher, madame, vous viendrez. De pâmoison. Reprenons la parole. Il nous faut à grands cris jouer un autre rôle. Ou je n'y connais rien, ou j'ai bien pris mon temps. Ils n'en seront pas tous également contents. Et philiste, demain, cette nouvelle sue sera de belle humeur, ou je suis fort déçue. Mais par où vont nos gens? Voyons qu'en sûreté je fasse aller après par un autre côté. À présent, il est temps que ma voix s'évertue. On m'égorge, on me tue, on enlève madame, amis, secourez-moi, secourez-nous, à la force, aux brigands, au meurtre, accourez tous, oh, Doraste, Polymas, Listor. Qu'a-t-il nous nourrice? Des voleurs. Qu'ont-ils fait? Ils ont ravi Clarisse. Comment? Ravi Clarisse? Ah oui, suivez promptement. Bon Dieu, que j'ai reçu de coups en un moment. Suivons-les. Mais dis-nous la route qu'ils ont prise. Ils vont tout droit par là. Le ciel vous favorise. Oh, qu'ils en vont abattre. Ils sont morts, c'en est fait. Et leur sang autant vaut à laver leur forfait. Pourvu que le bonheur à leurs souhaits réponde, ils les rencontreront s'ils font le tour du monde. Quant à nous, cependant, subornons quelques pleurs qui servent de témoins à nos fausses douleurs. Des voleurs, cette nuit, ont enlevé Clarisse? Quelle preuve en as-tu? Quel témoin? Quel indice? Ton rapport n'est fondé que sur quelques faux bruits. Je n'en suis par les yeux, hélas, que trop instruit. Les cris de sa nourrice en sa maison déserte m'ont trop suffisamment assuré de sa perte. Seule en ce grand logis, elle court haut et bas, elle renverse tout ce qui s'offre à ses pas, et sur ceux qu'elle voit frappe sans reconnaître. À peine devant elle oserait-on paraître. De furie, elle écume, et fait sans cesse un bruit que le désespoir forme et que la rage suit. Et parmi ses transports, son hurlement farouche ne laisse distinguer que Clarisse en sa bouche. Ne t'a-t-elle rien dit ? Soudain qu'elle m'a vu, ses mots ont éclaté d'un transport imprévu. « Va lui dire qu'il perd sa maîtresse et la nôtre !» Et puis, incontinent, me prenant pour un autre, elle m'allait traiter en auteur du forfait. Mais ma fuite a rendu sa fureur sans effet. « Elle nomme du moins celui qu'elle en soupçonne. » Ces confuses clameurs n'en accusent personne, et même les voisins n'en savent que juger. « Tu m'apprends seulement ce qui peut m'affliger !» Traître, sans que je sache où, pour mon allégeance, adresser ma poursuite et porter ma vengeance, tu fais bien d'échapper! Dessus toi, ma douleur, faute d'un autre objet, venger ce malheur. Malheur d'autant plus grand que sa source ignorée ne laisse aucun espoir à mon âme éplorée. Ne laisse à ma douleur qui va finir mes jours qu'une plainte inutile au lieu d'un prompt secours. Faible soulagement en un coup si funeste. Mais il faut s'en servir, puisque seul il nous reste. Plains, Philiste, plains-toi, mais avec des accents plus remplis de fureur qu'ils ne sont impuissants. Fais qu'à force de cris poussés jusqu'en la nue, ton mal soit plus connu que sa cause inconnue. Fais que chacun le sache, et que par tes clameurs, Clarisse, où qu'elle soit, apprenne que tu meurs. Clarisse, unique objet qui me tient en servage! Reçois de mon ardeur ce dernier témoignage. Vois comme en te perdant, je vais perdre le jour. Et par mon désespoir, juge de mon amour. Hélas. Pour en juger, peut-être est-ce ta feinte qui me porte à dessein cette cruelle atteinte, et ton amour qui doute encore de mes serments cherche à s'en assurer par mes ressentiments. Soupçonneuse beauté, contente ton ennui et prends cette assurance aux dépens de ma vie. Si ton feu dure encore par mes derniers soupirs, reçois ensemble et perds l'effet de tes désirs. Alors ta flamme en vain pour Philiste allumer. Tu lui voudras du mal de t'avoir trop aimé. Et sûr d'une foi que tu crains d'accepter, tu pleureras en vain le bonheur d'en douter. Que ce penser flatteur me dérobe à moi-même. Quel charme à mon trépas de penser qu'elle m'aime. Et dans mon désespoir qu'il m'est doux d'espérer que ma mort à son tour la fera soupirer. Simple, qu'espères-tu? Sa perte volontaire ne veut que te punir d'un amour téméraire. Ton déplaisir lui plaît, et tous autres tourments lui sembleraient pour toi de légers châtiments. Mais elle en rit maintenant, cette belle inhumaine. Elle pâme de joie au récit de ta peine et choisit pour objet de son affection un amant plus sortable à sa condition. Pauvre désespéré, que ta raison s'égare et que tu traites mal une amitié si rare. Après tant de serments de n'aimer rien que toi, tu la veux faire heureuse aux dépens de sa foi? Tu veux seul avoir part à la douleur commune? Tu veux seul te charger de toute l'infortune? Comme si tu pouvais, en croissant tes malheurs, diminuer les siens et l'ôter aux voleurs. N'en doute plus, Philiste. Un ravisseur infâme a mis en son pouvoir la reine de ton âme. Et peut-être déjà ce corsaire effronté triomphe insolemment de sa fidélité. Qu'à ce triste pensée, ma vigueur diminue. Mais voici de ces gens. Qu'est-elle devenue? Amis, le savez-vous? N'avez-vous rien trouvé? qui nous puisse éclaircir du malheur arrivé. Nous avons fait, monsieur... Une vaine poursuite. Du moins, vous avez vu des marques de leur fuite. Si nous avions pu voir les traces de leurs pas, des brigands ou de nous, vous sauriez le trépas. Mais hélas, quelques soins et quelques diligences... Ce sont là des effets de votre intelligence. Traître, ces fins, hélas, ne saurait m'abuser. Vous n'avez point, monsieur, de quoi nous accuser. Perfide, vous prêtez l'épaule à leur retraite. Et c'est ce qui vous fait me la tenir secrète. Mais voici... Vous fuyez ! Vous avez beau courir ! Il faut me ramener ma maîtresse ou mourir ! Cédons à sa fureur, évitons-en l'orage. Ne nous présentons plus au transport de sa rage, mais plutôt de Ruchef. Allons si bien chercher qu'il n'est plus au retour sujet de se fâcher. Qui les ôte à ma juste colère ? Venez de vos forfaits recevoir le salaire. Infâme scélérat, venez ! Qu'espérez-vous ? Votre fuite ne peut vous sauver de mes coups ! Philiste, à la bonne heure ! Un miracle visible t'a rendu maintenant à l'honneur plus sensible, puisqu'ainsi tu m'attends les armes à la main. J'admire avec plaisir ce changement soudain et vert. Ne pense pas ainsi. Laisse nous faire. C'est en homme de cœur qu'il va me satisfaire. Crains-tu d'être témoin d'une bonne action ? Dieu, ce comble manquait à mon affliction. Que j'éprouve en mon sort une rigueur cruelle. Ma maîtresse perdue, un ami me querelle. Ta maîtresse perdue ? Hélas, hier, des voleurs ! Je n'en veux rien savoir. Va le compter ailleurs. Je ne prends point de part aux intérêts d'un traître. Et puisqu'il est ainsi, le ciel fait bien connaître que son juste courroux a soin de me venger. Quel plaisir, Alcidon, prends-tu de m'outrager ? Mon amitié se lasse et ma fureur m'emporte. Mon âme pour sortir ne cherche qu'une porte. Ne me presse donc plus dans un tel désespoir. J'ai déjà fait pour toi, par-delà, mon devoir. Que peux-tu plaindre encore de ta place usurpée ? J'ai envoyé Géron à coups de plat d'épée. J'ai menacé Florent, j'ai rompu les accords qui t'avaient su causer ces violents transports. Entre des cavaliers, une offense reçue ne se contente point d'une si lâche issue. Va m'attendre. Arrêtez ! Je ne permettrai pas qu'un si funeste mot termine vos débats. Faire ainsi du fendant, tandis qu'on nous sépare, c'est montrer un esprit lâche autant que barbare. Adieu, mauvais, adieu. Nous nous pourrons trouver. Et si le cœur t'en dit... Au lieu de t'embraver, j'apprendrai seul à seul, dans peu, de tes nouvelles. Mon honneur souffrirait des tâches éternelles, à craindre encore de perdre une telle amitié. Mon cœur à ses douleurs s'attendrit de pitié. Il montre une franchise ici trop naturelle pour ne te pas ôter tout sujet de querelle. L'affaire se traitait sans doute à son déçu. Et quelques faux soupçons en ce point t'a déçu. Va retrouver Doris et rendons-lui Clarisse. Tu te laisses donc prendre à ce lourd artifice, à ce piège qu'il dresse afin de me duper ? Romprait-il ses accords à dessein de tromper ? Que vois-tu là qui sent une supercherie ? Je n'y vois qu'un effet de sa poltronnerie, qu'un lâche désaveu de cette trahison, de peur d'être obligé de m'en faire raison. Je l'empressais dès hier, mais son peu de courage aima mieux pratiquer ce rusé témoignage, par où, m'éblouissant, il put un de ses jours renouer sourdement ses muettes amours. Il en donne en secret des avis à Florange. Tu ne le connais pas. C'est un esprit étrange. Quelque étrange qu'il soit, si tu prends bien ton temps, malgré lui, tes désirs se trouveront contents. Ses offres acceptées, que rien ne se diffère. Après un prompt hymen, tu le mets à pifère. Cet ordre est infaillible à procurer mon bien. Mais ton contentement m'est plus cher que le mien. Longtemps, à mon sujet, tes passions contraintes ont souffert et caché leurs plus vives atteintes. Il me faut à mon tour en faire autant pour toi. Hier, devant tous les dieux, je t'en donnais ma foi, et pour la maintenir, tout me sera possible. Ta perte en mon bonheur me serait trop sensible. Et je m'en haïrais si j'avais consenti que mon hymen laissât Alcidon sans parti. Eh bien, pour t'arracher ce scrupule de l'âme, quoique je n'eusse jamais pour elle aucune flamme, j'épouserai Clarisse. Ainsi, puisque mon sort veut qu'à mes amitiés je fasse un tel effort, que d'un de mes amis j'épouse la maîtresse, c'est là que par devoir il faut que je m'adresse. Philiste est un parjure, et moi ton obligé. Il m'a fait un affront et tu m'en as vengé. Balancer un tel choix avec inquiétude, ce serait me noircir de trop d'ingratitude. Mais te priver pour moi de ce que tu chéris. C'est faire mon devoir, te quittant ma Doris, et me venger d'un traître épousant sa Clarisse. Mes discours, ni mon cœur, n'ont aucun artifice. Je vais, pour confirmer tout ce que je t'ai dit, employer vers Doris mon reste de crédit. Si je la puis gagner, je te réponds du frère, trop heureux à ce prix d'apaiser ma colère. C'est ainsi que tu veux m'obliger doublement. Vois ce que je pourrais pour ton contentement. L'affaire, à mon avis, deviendrait plus aisée si Clarisse apprenait une mort supposée. De qui ? De son amant ? Va. Tiens pour assurer qu'elle croira dans peu ce perfide expiré. Quand elle en aura su la nouvelle funeste, nous aurons moins de peine à la résoudre au reste. On a beau nous aimer, des pleurs sont tôt séchés, et les morts soudain mis au rang des vieux péchés. Il me cède à mon gré Doris de bon courage. Et ce nouveau dessein d'un autre mariage pour être fait sur l'heure, et tout nonchalamment et conduit, ce me semble assez accortement. Qu'il en sait de moyens, qu'il a ses raisons prêtes, et qu'il trouve à l'instant de prétextes honnêtes pour ne point rapprocher de son premier amour. Plus j'y porte la vue, et moins j'y vois de jour. M'aurait-il bien caché le fond de sa pensée ? Oui, sans doute. Clarisse a son âme blessée. Il se venge en parole et s'oblige en effet. On ne le voit que trop, rien ne le satisfait. Quand on lui rend Doris, il s'aigrit davantage. Je jouerai à ce compte un joli personnage. Il s'en faut éclaircir. Alcidon ruse en vain, tandis que le succès est encore en ma main. Si mon soupçon est vrai, je lui ferai connaître que je ne suis pas homme à seconder un traître. Ce n'est point avec moi qu'il faut faire le fin, et qui me veut duper en doit craindre la fin. Il ne voulait que moi pour lui servir d'escorte. Et si je ne me trompe, il n'ouvrit point la porte. Nous étions attendus. On secondait nos coups. La nourrice parut en même temps que nous et se pâma soudain avec tant de justesse que cette pâmoison nous livra sa maîtresse. Qui lui pourrait un peu tirer les vers du nez que nous verrions demain des gens bien étonnés ? J'entends des soupirs. Destin ! C'est la nourrice. Qu'elle vient à propos ? Où rendez-moi Clarisse ? Il la faut aborder. Où me donner la mort ? Yes. Qu'as-tu, nourrice, à t'affliger si fort ? Quel funeste accident, quelle perte arrivée ? Perfide ! C'est donc toi qui me l'as enlevée ? En quel lieu la tiens-tu ? Dis-moi, qu'en as-tu fait ? Ta douleur sans raison m'impute ce forfait, car enfin je t'entends, tu cherches ta maîtresse. Oui, je te la demande, âme double et traîtresse. Je n'ai point eu de part en cet enlèvement, mais je t'en dirai bien l'heureux événement. Il ne faut plus avoir un visage si triste. Elle est en bonne main. De qui ? De son philiste. Le cœur me le disait que ce rusé flatteur devait être du coup le véritable auteur. Je ne dis pas cela, nourrice. Du contraire, sa rencontre à Clarisse était fort nécessaire. Quoi ? L'a-t-il délivrée ? Oui. Bon Dieu ! Sa valeur autant semble la vie et Clarisse au voleur. Vous ne parlez que d'un. L'autre ayant pris la fuite, Philiste a négligé d'en faire la poursuite. Leur carrosse roulant, comme est-il advenu ? Tu m'en veux informer en vain par le menu. Peut-être un mauvais pas, une branche, une pierre, fit verser leur carrosse et les jeta par terre. Et Philiste eut tant d'heur que de les rencontrer, comme eux et ta maîtresse étaient près d'y rentrer. Cette heureuse nouvelle a mon âme ravie. Mais le nom de celui qui l'a privée de vie ? C'est... Ah, je l'aurais nommé mille fois en un jour. Que ma mémoire ici me fait un mauvais tour. C'est un des bons amis que Félix eut au monde. Rêve un peu comme moi, nourrice, et me seconde. Et donnez-moi quelque adresse. Il se termine en don, c'est... J'y suis, peu s'en faut, attends, c'est... Alcidon ? T'y voilà, justement. Est-ce lui ? Quel dommage qu'un brave gentilhomme en la fleur de son âge... Toutefois, il n'a rien qu'il n'ait bien mérité, et grâce au bon Dieu, son dessein avorté... Mais du moins, en mourant... Il nomma son complice ? C'est là le pis pour toi. Pour moi ? Pour toi, nourrice. Ah, le traître ! Sans doute il te voulait du mal. Et m'en pourrait-il faire ? Oui, son rapport fatal... Ne peut rien contenir que je ne le dénie. En effet, ce rapport n'est qu'une calomnie. Écoute cependant, il a dit qu'à ton su, ce malheureux dessein avait été conçu. Et que pour empêcher la fuite de Clarisse, ta feinte pâmoison lui fit un bon office. Qu'il trouva le jardin par ton moyen ouvert. De quel damnable tour cet imposteur se sert ! Non, monsieur, à présent il faut que je le dise. Le ciel ne vit jamais de telle perfidie. Ce traître aimait Clarisse, et brûlant de ce feu, il n'amusait de risque pour couvrir son jeu. Depuis près de 6 mois, il a tâché sans cesse d'acheter ma faveur auprès de ma maîtresse. Il n'a rien épargné qui fût en son pouvoir, mais me voyant toujours ferme dans le devoir, et que pour moi ses dons n'avaient aucune amorce, enfin il a voulu recourir à la force. Vous savez le surplus, vous voyez son effort à se venger de moi, pour le moins en sa mort. Piqué de mes refus, il me fait criminel, et mon crime ne vient que d'être trop fidèle. Mais monsieur, le croit-on ? N'en doute aucunement. Le bruit est qu'on t'apprête un rude châtiment. Las, que me dites-vous ? Ta maîtresse en colère jure que tes forfaits recevront leur salaire. Surtout, elle s'aigrit contre ta pâmoison. Si tu veux éviter une infâme prison, n'attends pas son retour. Oh, où me vois-je réduite ? Si mon salut dépend d'une soudaine fuite et mon esprit confus ne sait où l'adresser. J'ai pitié des malheurs qui te viennent presser. Nourrice, fais chez moi, si tu veux, ta retraite, autant qu'en lieu du monde, elle y sera secrète. Oserais-je espérer que la compassion... Je prends ton innocence en ma protection. Va, ne perds point de temps. Être ici davantage ne pourrait à la fin tourner qu'à ton dommage. Je te suivrai de l'œil, et ne dis encore rien. Comme après, je saurai m'employer pour ton bien, durant l'éloignement, ta paix se pourra faire. Vous me serez, monsieur, comme... un dieu tutélaire. Trêve pour le présent de ces remerciements. Va, tu n'as pas loisir de tant de compliments. Voilà mon homme pris et ma vieille attrapée. Vraiment, un mauvais conte aisément l'a dupée. Je la croyais plus fine. Et n'eusse pas pensé qu'un discours sur le champ, par hasard commencé, dont la suite non plus n'allait qu'à l'aventure, pût donner à son âme une telle torture. La jeter en désordre et brouiller ses ressorts. Mais la raison le veut, c'est l'effet des remords. Le cuisant souvenir d'une action méchante, soudain, au moindre mot, nous donne l'épouvante. Mettons-la cependant en lieu de sûreté d'où nous ne craignons rien de sa subtilité. Après, nous ferons voir qu'il me faut d'une affaire ou du tout ne rien dire ou du tout ne rien taire, et que depuis qu'on joue à surprendre un ami, un trompeur en moi trouve un trompeur et demi. C'est donc pour un ami que tu veux que mon âme allume à ta prière une nouvelle flamme. Oui, de tout mon pouvoir, je t'en viens conjurer. À ce coup, Alcidon, voilà te déclarer. Ce compliment fort beau pour des âmes glacées m'est un aveu bien clair de tes feintes passées. Ne parle point de feintes. Il n'appartient qu'à toi d'être dissimulé et de manquer de foi. L'effet l'a trop montré. L'effet a dû t'apprendre quand on feinte avec moi que je sais bien le rendre. Mais je reviens à toi. Tu fais donc tant de bruit afin qu'après un autre en recueille le fruit. Et c'est à ce dessein que ta fausse colère abuse insolemment de l'esprit de mon frère. Ce qu'il a pris de part en mes ressentiments apporte seul du trouble à tes contentements. Et pour moi qui vois trop ta haine par ce change, qui t'a fait sans raison me préférer Florange, je n'ose plus t'offrir un service odieux. Tu ne fais pas tant mal. Mais pour faire encore mieux, puisque tu reconnais ma véritable haine, de moi, ni de mon choix, ne te mets point en peine. C'est trop manqué de sens, je te prie. Est-ce à toi, à l'objet de ma haine, à disposer de moi ? Non, mais Puisque je vois à mon peu de mérite de ta possession l'espérance interdite, je sentirais mon mal puissamment soulagé si du moins un ami m'en était obligé. Ce cavalier, au reste, a tous les avantages que l'on peut remarquer au plus brave courage, beau de corps et d'esprit, riche, adroit, valeureux, et surtout de Doris à l'extrême amoureux. Toutes ces qualités n'ont rien qui me déplaise, mais il en a de plus une autre fort mauvaise. C'est qu'il est ton ami. Cette seule raison me le ferait haïr si j'en savais le nom. Donc, pour le bien servir, il faut ici le taire. Et de plus lui donner cet avis salutaire, que s'il est vrai qu'il m'aime et qu'il veuille être aimé, quand il m'entretiendra, tu ne sois point nommé, qu'il n'espère autrement de réponse que triste. J'ai dépit que le sang me lie avec Philiste et qu'ainsi, malgré moi, j'aime un de tes amis. Tu seras quelque jour d'un esprit plus remis. Je m'en vais. Cependant, souviens-toi, dédaigneuse, que tu es Alcidon qui te veut rendre heureuse. Va, je ne veux point d'or qui parte de ta main. Qu'aux filleux comme moi, le sort est inhumain. Que leurs conditions se trouvent déplorables. Une mère aveuglée, un frère inexorable, chacun de son côté prenne sur mon devoir et sur mes volontés un absolu pouvoir. Chacun me veut forcer à suivre son caprice. L'un a ses amitiés, l'autre a son avarice. Ma mère veut Florange, et mon frère Alcidon. Dans leur division, mon cœur à l'abandon n'attend que leur accord pour souffrir et pour feindre. Je n'ose qu'espérer, et je ne sais que craindre. Ou plutôt, je crains tout, et je n'espère rien. Je n'ose fuir mon mal, ni rechercher mon bien. Dure suggestion, étrange tyrannie. Toute liberté donc à mon choix se dénie. On ne laisse à mes yeux rien à dire à mon cœur. Et par force un amant n'a de moi que rigueur. Cependant il y va du reste de ma vie. Et je n'ose écouter tant soit peu mon envie. Il faut que mes désirs, toujours indifférents, aillent sans résistance au gré de mes parents, qui m'apprêtent peut-être un brutal, un sauvage. Et puis cela s'appelle une fille bien sage. Ciel, qui voit ma misère et qui fait les heureux, prends pitié d'un devoir qui me si rigoureux. N'espérez pas, madame, avec cet artifice, apprendre du forfait l'auteur ni le complice. Je chéris l'un et l'autre, et crois qu'il m'est permis de conserver l'honneur de mes plus chers amis. L'un, aveuglé d'amour, ne jugea point de blâme à ravir la beauté qui lui ravissait l'âme, et l'autre l'assista par importunité. C'est ce que vous saurez de leur témérité. Puisque vous le voulez, monsieur, je suis contente de voir qu'un bon succès a trompé leur attente et me résolvant même à perdre à l'avenir de toute ma douleur l'odieux souvenir. J'estime que la perte en sera plus aisée si j'ignore les noms de ceux qui l'ont causé. C'est assez que je sais qu'à votre heureux secours je dois tout le bonheur du reste de mes jours. Philiste, autant que moi, vous en est redevable. S'il a su mon malheur, il est inconsolable. Et dans son désespoir, sans doute qu'aujourd'hui vous lui rendez la vie en me rendant à lui. Disposez du pouvoir et de l'un et de l'autre. Ce que vous y verrez, tenez-le comme au vôtre. Et souffrez cependant qu'on le puisse avertir que nos maux en plaisir se doivent convertir. La douleur trop longtemps règne sur son courage. C'est à moi qu'appartient l'honneur de ce message. Mon secours, sans cela, comme de nul effet, ne vous aurait rendu qu'un service imparfait. Après avoir rompu les fers d'une captive, c'est tout de nouveau prendre une peine excessive. Et l'obligation que j'en vais vous avoir met la revanche hors de mon peu de pouvoir. Ainsi, dorénavant, Quelque espoir qui me flatte, il faudra, malgré moi, que j'en demeure ingrate. En quoi que mon service oblige votre amour, vos seuls remerciements me mettent à retour. Qu'Alcidan maintenant soit de feu pour Clarisse, qu'il ait de son parti sa traîtresse nourrice, que d'un ami trop simple il fasse un ravisseur, qu'il querelle le philiste et néglige sa sœur. Enfin qu'il aime, dupe, enlève, feigne, abuse, je trouve mieux que lui mon compte dans sa ruse. Son artifice m'aide et succède si bien qu'il me donne Doris et ne lui laisse rien. Il semble n'enlever qu'un dessein que je rende, et que Philiste, après une faveur si grande, n'ose me refuser celle dont ses transports et ses faux mouvements font rompre les accords. Ne m'offre plus Doris, elle m'est tout acquise. Je ne la veux devoir, traître, qu'à ma franchise. Il suffit que ta ruse ait dégagé sa foi. Cesse tes compliments, je l'aurais bien sans toi. Mais pour voir ses effets, allons trouver le frère. Notre heure s'accorde mal avec sa misère et ne peut s'avancer qu'en lui disant le sien. Ah, je cherchais une heure avec toi d'entretien. Ta rencontre jamais ne fut plus opportune. En quel point as-tu mis l'état de ma fortune ? Tout va le mieux du monde. Il ne se pouvait pas, avec plus de succès, supposer un trépas. Clarisse, au désespoir, croit Philiste sans vie. Et l'auteur de ce coup ? Celui qui l'a ravi. Un amant inconnu dont je lui fais parler. Clarisse a donc jeté des injures en l'air. Cela va sans dire. Ainsi rien ne l'apaise. Si je te disais tout, tu mourrais de trop d'aise. Je n'en veux point qu'il porte une si dure loi. Dans ce grand désespoir, elle parle de toi. Elle parle de moi. J'ai perdu ce que j'aime, dit-elle. Mais du moins si cet autre lui-même, son fidèle Alcidon, m'en consolait ici, oh. Quand le voyant mon mal deviendrait adouci. Je ne me pensais pas si fort dans sa mémoire. Mais non, cela n'est point, tu m'en donnes à croire. Tu peux, dans ce jour même, en voir la vérité. Quand ? Même avant-demain. Ma curiosité accepte ce parti. Ce soir, si bon te semble, nous nous déroberons pour l'aller voir ensemble et, comme sans dessein, de loin, la disposer, puisque Philiste est mort. J'entends. À t'épouser. Mmh. Nous pourrons feindre alors que, par ma diligence, le concierge rendu de mon intelligence me donne un accès libre au lieu de sa prison, que déjà quelque argent m'en a fait la raison, et que, s'il en faut croire une juste espérance, les pistoles, dans peu, feront sa délivrance, pourvu qu'un prompt hymen succède à mes désirs. Que cet invention t'assure de plaisir. Une subtilité si dextrement tissue ne peut jamais avoir qu'une admirable issue. Mais l'exécution ne s'en doit pas sursoir. Ne diffère donc point, je t'attends vers le soir, n'y manque pas. Adieu. J'ai quelque affaire en ville. Oh, l'excellent ami. Qu'il a l'esprit docile. Pouvais-je faire un choix plus commode pour moi ? Je trompe tout le monde avec sa bonne foi. Et quant à sa Doris, si sa poursuite est vaine, c'est de quoi maintenant je ne suis guère en peine. Puisque j'aurai mon compte... Il m'importe fort peu si la coquette agrée ou néglige son feu. Et je ne songe pas que ma joie imprudente laisse en perplexité ma chère confidente. Avant que de partir, il faudra sur le tard de nos heureux succès lui faire quelque part. Je ne le puis celer. Bien que j'y compatisse, je trouve en ton malheur quelque peu de justice. Le ciel venge ta sœur. Ton fol emportement a rompu sa fortune et chassé son amant, et tu vois aussitôt la tienne renversée, ta maîtresse par force en d'autres mains passées. Cependant, Alcidon te querelle toujours au lieu de renouer ses premières amours. Madame, c'est à vous que nous devons nous prendre de tous les déplaisirs qui nous en faut attendre. D'un si honteux affront, le cuisant souvenir éteint toute autre ardeur que celle de punir. Ainsi, mon mauvais sort m'a bien noté Clarisse, mais du reste, accusez votre seule avarice. Madame, nous perdons par votre aveuglement votre fils un ami, votre fille un amant. Ôtez ce nom d'amant. Le fardeau de son langage ne m'empêcha jamais de voir dans son courage. Et nous étions tous deux semblables en ce point que nous feignions d'aimer ce que nous n'aimions point. Ce que vous n'aimiez point? Je ne dissimulais. Fallait-il donc souffrir d'en être cajolé? Il le fallait souffrir ou vous désobliger? Dites qu'il vous fallait un esprit moins léger. Si les dents viennent d'entrer, fais un peu de silence et du moins, à ses yeux, cache ta violence. Eh bien, que dit, que fait notre amant irrité? Persiste-t-il encore dans sa brutalité? Quitte pour aujourd'hui le soin de tes querelles. J'ai bien à te conter de meilleures nouvelles. Les ravisseurs n'ont plus Clarisse en leur pouvoir. Ami, que me dis-tu? Ce que je viens de voir. Et de grâce, où voit-on le sujet que j'adore? Dis-moi le lieu. Le lieu ne se dit pas encore. Celui qui te la rend te veut faire une loi. Après cette faveur qu'il dispose de moi, mon possible est à lui. Donc, sous cette promesse, tu peux, dans son logis, aller voir ta maîtresse. Ambassadeur exprès? Son feu précipité lui fait faire envers vous une incivilité. Vous la pardonnerez. À cette ardeur trop forte qui, sans vous dire adieu, vers son objet l'emporte. C'est comme doit agir un véritable amour. Un feu moindre eût souffert quelques plus longs détours et nous voyons assez par cette expérience que le sien est égal à son impatience. Mais, puisqu'ainsi le ciel rejoint ces deux amants et que tout se dispose à vos contentements, pour m'avancer au mien, oserais-je, madame, offrir à tant d'appât un cœur qui n'est que flamme? Un cœur sur qui ses yeux, de tout temps absolus, ont imprimé des traits qui ne s'effacent plus. J'ai cru par le passé qu'une ardeur mutuelle unissait les esprits et d'Alcidon et d'elle. Et quand ce cavalier, son désir arrêté, prendrait tous autres vœux pour importunité, cette seule raison m'obligeant à me taire, je trahissais mon feu de peur de lui déplaire. Mais aujourd'hui qu'un autre en sa place reçu me fait voir clairement combien j'étais déçu, je ne condamne plus mon amour au silence. Et vient faire éclater toute sa violence. Souffrez que mes désirs, si longtemps retenus, rendent à sa beauté des vœux qui lui sont dus. Et, du moins, par pitié d'un si cruel martyr, permettez quelque espoir à ce cœur qui soupire. Votre amour pour Doris est un si grand bonheur que je voudrais, sur l'heure, en accepter l'honneur. Mais vous voyez, le point tout me réduit Philiste, et comme son caprice à mes souhaits. Résiste, trop chaud ami qu'il est, il s'emporte à tout coup pour un fourbe insolent qui se moque de nous. Honteuse qu'il me force à manquer de promesses, je n'ose vous donner une réponse expresse, tant je crains de sa part un désordre nouveau. Vous me tuez, madame, et cachez le couteau. Sous ce détour discret, un refus se colore? Non, monsieur, croyez-moi. Votre offre nous honore. Aussi, dans le refus, j'aurai peu de raison. Je connais votre bien. Je sais votre maison. Votre père, jadis, hélas, que cette histoire encore sur mes vieux ans m'est douce en la mémoire. Votre feu, père, dis-je, eut de l'amour pour moi. J'étais son cher objet. Et maintenant, je vois que comme par un droit successif de famille, l'amour qu'il eut pour moi, vous l'avez pour ma fille, s'il m'aimait. Je l'aimais. Et les seules rigueurs de ses cruels parents divisèrent nos cœurs. On l'éloigna de moi par ce maudit usage qui n'a d'égard qu'au bien. Pour faire un mariage, et son père jamais ne souffrit son retour que ma foi n'eût ailleurs. Engagez mon amour. En vain à cet hymen, j'opposais ma constance. La volonté des miens vainquit ma résistance. Mais je reviens à vous, en qui je vois portrait de ces perfections les plus aimables traits. Afin de vous ôter désormais toute crainte que dessous mes discours se cache aucune feinte, allons trouver Philiste et vous verrez alors comment, en votre faveur, je ferai mes efforts. Oh, si de ce cher objet j'avais même assurance, rien ne pourrait jamais troubler mon espérance. Je ne sais qu'obéir et n'ai point de vouloir. Employer contre vous un absolu pouvoir ? Ma flamme d'y penser se tiendrait criminelle. Je connais bien ma fille et je vous réponds d'elle. Dépêchons seulement d'aller vers ses amants. Allons, mon heure dépend de vos commandements. Ma douleur qui s'obstine à combattre ma joie pousse encore des soupirs, bien que je vous revoie. Et l'excès des plaisirs qui me viennent charmer mêle dans ces douceurs je ne sais quoi d'amère. Mon âme en est ensemble est ravie et confuse. D'un peu de lâcheté, votre retour m'accuse et votre liberté me reproche aujourd'hui que mon amour la doit à la pitié et d'autrui. Elle me comble d'aise et m'accable de honte. Celui qui vous la rend en m'obligeant m'affronte. Un coup si glorieux n'appartenait qu'à moi. Vois-tu dans mon esprit des doutes de ta foi ? Y vois-tu des soupçons qui blessent ton courage et dispensent ta bouche à ce fâcheux langage ? Ton amour et tes soins trompés par mon malheur, ma prison inconnue a bravé ta valeur. Que t'importe à présent qu'un autre m'en délivre ? Puisque c'est pour toi seule que Clarisse veut vivre, et que d'un tel orage en bonheur se réduit, s'élidant à la peine et félice de le fruit. Mais vous ne dites pas que le point qui m'afflige, c'est la reconnaissance où l'honneur vous oblige. Il vous faut être ingrate, ou bien à l'avenir, lui garder en votre âme un peu de souvenir. La mienne en est jalouse, et trouve ce partage, quel qu'inégal qu'il soit, à son désavantage. Je ne puis le souffrir. Nos pensées à tous deux ne devraient à mon gré parler que de nos feux. Tout autre objet que moi dans votre esprit me pique. Ton humeur à ce compte est un peu tyrannique. Penses-tu que je veuille un amant si jaloux ? Je tâche d'imiter ce que je vois en vous. Mon esprit amoureux qui vous tient pour sa reine fait de vos actions sa règle souveraine. Je ne puis endurer ces propos outrageux. Où me vois-tu jalouse afin d'être ombrageux ? Quoi, ne l'étiez-vous point l'autre jour qu'en visite ? J'entretins quelque temps en Bélin des chrysolites. Ne me reproche point l'excès de mon amour. Mais permettez-moi donc cet excès à mon tour. N'est-il rien de plus juste ou de plus équitable ? Encore pour un jaloux, tu seras fort traitable. Et n'es pas maladroit en ces doux entretiens d'accuser mes défauts. Pour excuser les tiens. Par cette liberté, tu me fais bien paraître que tu crois que l'hymen t'est déjà rendu maître. Puisque laissant les vœux et les soumissions, tu me dis seulement mes imperfections. Féliste s'est douté trop peu de ta puissance et prendre avant le temps un peu trop de licence. Nous avions notre hymen à deux mains arrêté, mais pour te bien punir de cette liberté de plus de 4 jours, ne crois pas qu'il s'achève. Mais si durant ce temps quelque autre vous enlève ? Avez-vous sûreté que pour votre secours le même Célidan se rencontre toujours ? Il faut savoir de lui s'il prendrait cette peine. Vois ta mère et ta sœur. Que vers nous il amène. Sa réponse rendra nos débats terminés. Oh, mère, sœur, amie, que vous m'importunez. Je viens après mon fils vous rendre une assurance de la part que je prends en votre délivrance. Et mon cœur tout à vous ne saurait endurer que mes humbles devoirs osent se différer. N'usez point de ce mot vers celle dont l'envie est de vous obéir le reste de sa vie, que son retour rend moins à soi-même qu'à vous. Ce brave cavalier accepté pour époux, c'est à moi désormais, entrant dans sa famille, à vous rendre un devoir de servante et de fille. Heureuse 1000 fois si le peu que je vaux ne vous empêche point d'excuser mes défauts, et si votre bonté d'un tel choix se contente. Dans ce bien excessif qui passe mon attente, je soupçonne mes sens d'une infidélité, tant ma raison s'oppose à ma crédulité. Surprise que je suis d'une telle merveille, mon esprit tout confus doute encore si je veille. Mon âme en est ravie. Et ces ravissements m'ôtent la liberté de tout remerciement. Souffrez qu'en ce bonheur mon zèle m'enhardisse à vous offrir, madame, un fidèle service. Et moi, sans compliment qui vous farde mon cœur, je vous offre et demande une amitié de sœur. Ah. Toi, sans qui mon malheur était inconsolable, ma douleur sans espoir, ma perte irréparable, Célidan, le plus cher, plus que tous mes amis. Puisque je te dois tout, que je t'ai tout promis, cesse de me tenir dedans l'incertitude. Dis-moi par où je puis sortir d'ingratitude. Donne-moi le moyen, après un tel bienfait, de réduire pour toi ma parole en effet. S'il est vrai que ta flamme et celle de Clarisse doivent leur bonne issue à mon peu de service, qu'un bon succès par moi réponde à tous vos voeux, j'ose t'en demander un pareil à mes feux. J'ose te demander, sous l'aveu de madame, ce digne et seul objet de ma secrète flamme, cette sœur que j'adore, et qui, pour faire un choix, attend de ton vouloir les favorables lois. Ta demande m'étonne ensemble et m'embarrasse. Sur ton meilleur ami, tu brigues cette place et tu sais que ma foi la réserve pour lui. Si tu n'as entrepris de m'accabler d'ennui, ne te fais point ingrat pour une âme si double. Mon esprit divisé de plus en plus se trouble. Dispense-moi de grâce et songe qu'avant toi, ce colère Alcidon tient en gage ma foi. Si ton amour est grand, l'excuse t'est sensible. Mais je ne t'ai promis que ce qui m'est possible. Et cette fois donnée haute de mon pouvoir, ce qu'à notre amitié je me sais trop devoir. Ne te ressouviens plus d'une vieille promesse et juge en regardant cette belle maîtresse. Si celui qui pour toi l'ôta son ravisseur n'a pas bien mérité l'échange de ta sœur. Je ne saurais souffrir qu'en ma présence on dit qu'ils doivent m'acquérir par une perfidie. Et pour un tel ami, lui voir si peu de fois me ferait redouter qu'il en eût moins pour moi. Mais Alcidon survient. Nous l'allons voir lui-même contre un rival et vous, disputer ce qu'il aime. Mon abord t'a surpris? Tu changes de couleur, tu me croyais sans doute encore dans le malheur. Voici qui m'en délivre. Et n'était que Philiste, à ses nouveaux desseins en ta faveur résiste. Cet ami si parfait qu'entre tous tu chéris, t'aurait pour récompense enlevé ta Doris. Le désordre éclatant qu'on voit sur mon visage n'est que l'effet trop prompt d'une soudaine rage. Je forcène de voir que, sur votre retour, ce traître assure ainsi ma perte et son amour. Perfide. À mes dépens, tu veux donc des maîtresses, et mon honneur perdu te gagne leurs caresses. Quoi ? J'ai su jusqu'ici cacher tes lâchetés, et tu m'oses couvrir de ces indignités. Cesse de m'outrager, où le respect des dames n'est plus pour contenir celui que tu diffames. Cher ami, ne crains rien, et demeure assuré que je sais maintenir ce que je t'ai juré. Pour t'enlever ma sœur, il faut m'arracher l'âme. Non. Non, il n'est plus temps de déguiser ma flamme. Il te faut, malgré moi, faire un honteux aveu. Que si mon cœur brûlait, c'était d'un autre feu. Ami, ne cherche plus qui t'a ravi Clarisse. Voici l'auteur du coup. Et voilà le complice. Adieu. Ce mot lâché, je te suis en horreur. Oh. Eh bien, rebelle, enfin sortiras-tu d'erreur. Puisque son désespoir vous découvre un mystère que ma discrétion vous avait voulu taire, c'est à moi de montrer quel était mon dessein. Il est vrai qu'en ce coup, je lui prêtais la main. La peur que j'eus alors qu'après ma résistance, il ne trouvât ailleurs trop fidèle assistance. Quittons là ce discours, puisqu'en cette action, la fin m'éclaircit trop de ton intention. Et ta sincérité se fait assez connaître. Je m'obstinais tantôt dans le parti d'un traître. Mais au lieu d'affaiblir vers toi mon amitié, un tel aveuglement te doit faire pitié. Plains-moi. Plains mon malheur, plains mon trop de franchise. Qu'un ami déloyal a tellement surprise. Vois par là comme j'aime, et ne te souviens plus que j'ai voulu te faire un injuste refus. Fais, malgré mon erreur, que ton feu persévère. Ne punis point la sœur de la faute du frère. Et reçois de ma main celle que ton désir, avant mon imprudence, avait daigné choisir. Une pareille erreur me rend toute confuse. Mais ici, mon amour me servira d'excuse. Il serre nos esprits d'un trop étroit lien pour permettre à mon sens de s'éloigner du sien. Si vous croyez encore que cette erreur me touche, un mot me satisfait de cette belle bouche. Mais hélas, quel espoir ose rien présumer quand on n'a pu servir et qu'on n'a fait qu'aimer. Réunir les esprits d'une mère et d'un frère, du choix qu'il m'avait fait, avoir su me défaire, m'arracher à Florange et m'ôter Alcidon, et d'un cœur généreux me faire l'heureux don, c'est avoir su me rendre un assez grand service pour espérer beaucoup avec quelque justice. Et puisqu'on me l'ordonne, on peut vous assurer qu'alors que j'obéis, c'est sans en murmurer. À ces mots enchanteurs, tout mon cœur se déploie et s'ouvre tout entier à l'excès de ma joie. Que la mienne est extrême et que sur mes vieux ans, le favorable ciel me fait de doux présents. Qu'il conduit mon bonheur par un ressort étrange, qu'à propos sa faveur m'a fait perdre Florange. Puisse-t-elle pour comble accorder à mes voeux bientôt des deux côtés quelques petits neveux. Et rendre par les fruits de ce double hyménée ma dernière vieillesse à jamais fortunée. Cependant, pour ce soir, ne me refusez pas l'heure de vous voir ici prendre un mauvais repas, afin qu'à ce qui reste ensemble, on se prépare tant qu'un mystère saint, deux à deux, nous sépare. Nous éloigner de vous avant ce doux moment, ce serait me priver de tout contentement. La veuve ou le traître trahi de Pierre Corneille. Avec Loïc Corbery, Thibault Lacour, Jean-Christophe Lebert, Valérie Dashwood, Marceline Collard, Julie Judd, Luce Mouchel, Philippe Bautier, Donatien Guillaume, Alain Carnat, Georges Benoît, Agnès Arnaud, Vincent Payet. Bruitage, Alain Platiot. Prise de son, montage et mixage, Philippe Carminati, Lidwin Caron. Assistant, Cédric Aussir. Réalisation, Myron Merson. À Monsieur Corneille, sur sa veuve, sonnez. Corneille, que ta veuve est pleine de beauté, que tu l'as d'ornement et de grâce pourvue, le plaisir de la voir tous mes sens diminue, et trahir tant d'appât ce serait lâcheté. Quoi que puisse à nos yeux offrir la nouveauté, rien ne peut les toucher à l'égal de sa vue. Il n'est point de mortel après l'avoir connue qui se puisse vanter de voir sa liberté. Admire le pouvoir qu'elle a sur mon esprit, ne cherche point le nom de celui qui t'écrit, qui jamais ne connut Apollon ni sa lyre. Ton mérite l'oblige à te donner ses vers, et la douceur des tiens le force de te dire qu'il n'est rien de si beau dedans tout l'univers.